la Garriguette. J'ai de l'Espagne et j'ai de la Belge. Voilà, tous les drapeaux. La Garriguette, c'est la meilleure. Tiens, chef. Allez, on y va. On y va, on y va. Allez, la framboise, la troisième parquette. 1 euro, messieurs dames. 1 euro, la troisième parquette. Allez, on y va, on goûte tous les melons, messieurs dames, on goûte avant d'acheter. Allez, on y va. Framboise, ça vous dit pas? Framboise, myrtille, non? La troisième à 1 euro, madame. On peut faire deux framboises, une myrtille. C'est bon, une myrtille, une framboise. Et puis il y a 11 euros 10. Quel melon, monsieur? Une boisson, quand même. On a explosé le bûcher. Allez, on y va. Allez, les avocats, c'est les 3 euros. Avocat extra, messieurs dames. Non, mon ami, tu veux le melon ou le miel? L'artiste, il est là, l'artiste. Ouais. Impeccable. Merci bien, messieurs dames. Bonne journée. Allez, l'avocat, on termine l'avocat, messieurs dames. Allez, 3 avocats extra, 3 euros. Allez, 3 avocats extra, 3 euros, messieurs dames. Allez, on y va, on goûte le melon, messieurs dames, on goûte le melon. Attention, le melon, c'est du miel. Le attendez, il arrive, monsieur, il arrive. Le roi du melon, on goûte le melon, messieurs dames, on goûte avant d'acheter, allez. Avec ceci. J'enlève des tiges. Allez, on y va, l'avocat extra, 3 avocats, 3 euros. Attention, l'avocat, 3 euros. Il y a 11 euros, dit tout. Il y a un persil. Quoi ? Allez, on y va, on goûte le melon, messieurs dames. Madame, t'as goûté le melon ou pas? Allez, où la pince? Excellent. Et voilà, merci. Une bonne journée, à toi, madame. Excellent le raisin. Avec ceci, je vais donc il y a 2 et 3. Ça fait 5 euros. T'as goûté le melon ou pas, moi? Je te laisse goûter. Attention, on y va. On goûte le melon, messieurs dames. On goûte le melon. Hein. C'est du miel. La crème de la gamme. Allez, on y va, on goûte le melon, messieurs dames, on goûte le melon. Ah bah, je vais m'ennuyer, moi. Allez, la framboise, la troisième barquette, 1 euro. 1 euro la troisième barquette. Le ticket ou pas? Yannick, t'es occupé là ou pas? Merci bien, cher, une belle journée. Allez, on y va, on se sert, messieurs dames. Attention, on goûte le melon, messieurs dames, on goûte le melon. Okay. Les 2,5 madame, non? Non, non, c'est bon, c'est réglé le melon. Avec souci, madame. Alors, on y va. On goûte le melon, messieurs dames. On goûte le melon. Attention, le melon. C'est du miel, messieurs dames. Ok, voilà, une banane, la banane. Un avocat avec ceci, mon ami. C'est tout. Eh, souris, t'es filmé, chef. Souris, t'es filmé. Il y a 3,44. C'est pas grave. Il y a des caméras, madame, on a mis des caméras, vous ne pouvez pas y aller contre ça. Vous êtes surveillés, madame. C'est pas grave. Merci. Dieu. Allez, on y va, on goûte le melon. Attention, le melon, c'est du miel. Allez, allez, on y va, on se sert, messieurs dames. On goûte le melon, messieurs dames, allez. Il y a 10,38, c'est tout. Merci bien, bon week-end, mon ami. Allez, la framboise, messieurs dames, la framboise. Allez, la troisième barquette à 1 euro, la framboise. La troisième barquette à 1 euro, la framboise. Allez, on y va. Allez, on y va, on se sert, messieurs dames. Attention, le melon, c'est du miel, messieurs dames. La framboise, la troisième barquette, 1 euro, la framboise. Allez, la troisième barquette, 1 euro, c'est pas mon ami. Allez, la fraise. Allez, la fraise, 5 euros le plateau, 1 kilo, messieurs dames. C'est 5 euros le plateau, c'est ça? C'est 5 euros le plateau? Oh! 5 euros le plateau? 5 euros le plateau, ouais. Je vais prendre en banque. Ça, c'est quel temps? De toute façon, je suis souvent là. Si t'as le temps, si tu passes par là, tu peux passer par là. Et c'est là. Merci bien, bon week-end. Allez, on y va dans l'asperge. Allez, l'asperge, 8 euros aujourd'hui, messieurs dames. 8 euros le kilo, l'asperge. Moi aussi, je suis pas là, madame. Il y a 7,45. Mesdames, vous vous servir, mesdames. Attention, l'artichaut, c'est du bazooka, madame. Là, c'est des gros artichauts. C'est du neuf. Servez-vous, madame. Merci bien, madame. Merci bien, madame. Merci bien, madame. Merci bien, madame. Alors, speak English. Midi. Eh voilà, merci. Au revoir. Comment tu fais? Oui, madame, oui, la chic. Allez, on y va. Allez, on termine, messieurs dames, on termine. Attention, le melon, c'est du miel. On goûte avant d'acheter, messieurs dames. Mon ami, vous goûtez ou pas? La crème de la crème. Melon extra. Allez, on y va, on goûte le melon, messieurs dames. On goûte le melon. Alors, mon ami, le melon. Vous goûtez? Vous êtes sûr, madame? C'est chaud, il fait 50 degrés sur le sang, madame. Allez, melon du Maroc, melon du Maroc, messieurs dames. Allez, le Maroc un jour, le Maroc toujours, madame. Melon, il est très bon. Bonjour, madame. Eh hey, toi, je veux pas te voir. Continue, continue tout droit. Paye tes dettes d'abord. Laissez à la balance, j'arrive, je dois la balance, madame. Madame. Allez, on y va, on goûte le melon, messieurs dames. Attention, le melon. C'est de la crème, messieurs dames. T'as goûté, mon ami? Viens goûter, mon ami, viens. Viens goûter. Si tu passes, on va le Allez, on y va. Allez, on goûte le melon, messieurs dames. On goûte le melon. Attention, le melon, c'est du miel. C'est du miel, messieurs dames. Messieurs dames, on goûte le melon. On goûte le melon, messieurs dames. J'espère pour toi que t'as ramené de l'argent. Sinon tu dégages tout de suite. T'as ramené de l'argent ou pas? Est-ce que t'as de l'argent? J'arrive. Alors, qu'est-ce que tu veux? Allez, on y va, on goûte le melon, messieurs dames. On goûte le melon. Attention, le melon, c'est du miel. Mon ami, file, file. Tu vas les mettre dans les écoles pour apprendre le commerce. Je vais monter. Ça va me... Quel billet? Un billet de 20 ou un billet de 10? 5, c'est pas assez, mon ami. Ramène un billet de 20. Attention, le melon, c'est du miel. On goûte avant d'acheter, messieurs dames. Si jamais elle me... Qu'est-ce qu'il faut, tu veux? Ah ouais. Allez, on y va. On goûte le melon, messieurs dames. On goûte le melon. J'en ai. Regarde, il tire juste en face de toi, là. Côte de radis à 50, allez. Attention, le melon, c'est du miel. On goûte avant d'acheter, messieurs dames. La troisième barquette, 1 euro. 1 euro la troisième barquette de framboise. On y va, on en profite. Les petits avocats, on les termine. 4-2 euros. 4-2 euros les petits avocats.